la magie, va être capable de supporter la sorcellerie. Ça fait partie de son monde. Mais par contre, est-ce qu'il va être capable de supporter la fission nucléaire? Est-ce qu'il va être capable de supporter le téléphone? Non. Alors, ce qui arrive, c'est que chaque fois qu'une information arrive chez eux, elle est automatiquement éliminée. On n'en veut pas, on ne veut rien savoir. Ou colorée à son monde à lui. Ben, ça va dépendre de ça, de son émancipation. Alors, toutes les structures psychologiques, que ce soit les religions, que ce soit les morales, même la science, sont des structures qui sont là pour bloquer, pour permettre à l'être humain de rester stable dans sa vie, et la stabilité dans la vie, c'est la mort, pour permettre à l'être humain de rester stable, c'est-à-dire pour que l'être humain ne se pose pas de questions, pour que l'être humain ne soit pas ébranlé dans la connaissance. Les guerres vous ébranlent moins qu'une révélation. Alors, la personne qui vit ici, par exemple, en 1600, peut être en contact mémoriel, réincarnationnel, ou simplement au niveau de l'imaginaire, de l'idée, etc., avec le passé. Vous avez une personne, un jeune, qui, par exemple, réincarnerait Picasso, on prend un autre, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Ben, le jeune, il commence à peindre, et puis subitement, vers l'âge de 8, 9, 10 ans, il est déjà très, très, très bon, puis c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est simplement qu'il a tous les conseils de bref, il est déjà peintre, mais dans le passé. Alors que l'autre, la majorité des jeunes aujourd'hui d'ailleurs, sont plus facilement en contact avec des mémoires du futur qu'avec des mémoires du passé. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont capables de s'ouvrir, ils sont de plus en plus capables de supporter des mécaniques qui font partie du neuf par rapport à ce qu'ils ont physiquement. Ils sont capables de supporter les vieux films et toute l'histoire. Mais en plus, ils sont, et moi je le suis, puis il y en a plusieurs parmi vous qui l'êtes aussi, psychologiquement et physiquement, capable de supporter du neuf, mais du neuf qui ne fait pas partie de ce que les corps moins subtils supportent. Ça veut dire que les Romains pouvaient supporter boire du vin, vous pouvez. Les Romains ne pouvaient pas supporter de traverser les murs sans défaire le mur. Alors, vous ne pouvez pas le supporter non plus. Mais si, dans 1000 ans, vous pouvez traverser les murs simplement en traversant les murs, et que maintenant, vous êtes capable de supporter sans problème ou sans stress physique ou psychologique ces connaissances-là, ce savoir-là, bien lentement, vous allez commencer à rêver que vous le faites. Vous allez commencer à penser que ce serait intéressant de le faire. Vous allez commencer à aimer ça, pouvoir le faire. Vous allez commencer à trouver compte de ne pas pouvoir le faire. Et là, vous utopisez par rapport à la mode, c'est-à-dire que c'est utopique que vous faites par rapport au passé, mais là, vous avez accès à ce que vous faites déjà dans d'autres temps. Ce qui va faire en sorte qu'il y a même certaines personnes qui auront finalement l'impression qu'ils ne sont plus sur la bonne planète, qu'ils ne sont pas dans leur bon monde, dans leur bon temps, parce qu'au fur et à mesure, ils vont goûter ce qui se passe et ils finissent par s'ennuyer un peu dans le monde actuel. Alors, pourquoi la majorité des individus peuvent retrouver que le passé? C'est parce que ton corps physique est capable de supporter un certain développement de la société, on résume là, c'est plus complexe, un certain développement du monde, votre corps psychologique est capable de supporter un certain développement du monde, alors vous allez être capable d'aller en contact et vous n'aurez pas de problème, vous ne couperez pas le contact. Le moindrement que dans le passé, vous reniez par exemple à des choses que vous aurez de la difficulté à supporter, vous allez couper le contact à peu près automatiquement, ou bien vous allez colorer et adapter l'information à quelque chose pour vous conserver stable. Bon, ce que tu expliques, c'est être capable de supporter du neuf, finalement. Et est-ce que ça dépend plus de la psychologie ou de la génétique? Rudolf Steiner, lui, il disait que si un Égyptien avait le corps avec lequel il vivait dans son temps, s'il était aujourd'hui, il mourrait, il ne serait pas capable de vivre là. Est-ce que c'est question de psychologie ou de génétique? Ben, c'est les deux. C'est psychogénétique. C'est-à-dire que physiquement, il a un système endocrinien particulier. Le système endocrinien est soumis à l'ego, donc à la psychologie et à l'astral. Alors, si l'ego se met à émettre un paquet d'hormones sans contrôle, trop fortement, il va avoir une vasoconstriction majeure, il va avoir une tachycardie mortelle, ou il va avoir une hypocardie, une bradycardie. Bon, il va payer un remplacement de son cerveau, il peut mourir. Normalement, le choc serait trop fort. Le choc serait suffisamment violent pour que notre individu meure. Alors que nous, on peut supporter ce qu'ils ont vécu. Ils se promenaient Tu te rappelles peut-être quand tu étais un petit peu plus costaud et que tu étais dans les galères. Mais moi, je ne ramais pas, je t'appelle Tambour. Oui, je sais, j'ai rencontré Pierre Tambour, puis je te rappelle encore quand tu t'appelles. Mais l'être humain, génétiquement, en passant, la génétique, c'est déterminant assez de ce que vous êtes. Sauf que, par la suite, le milieu, ça peut être la formation, ça peut être les techniques, les cours, la vie, va vous amener ce qu'il faut pour améliorer votre génétique. En fait, faisant pas, c'est le fond tout au début quand ils versent le problème. Le milieu. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais moi, si ma génétique n'est pas assez bonne, il va falloir que tu t'entraînes un peu plus. Bon, c'est tout. Mais c'est évident qu'il faut comprendre l'idée. Effectivement, il y a des gens qui, au niveau du système endocrinien, vont comprendre différentes choses plus rapidement, vont être capables de le supporter plus rapidement. Il y a des individus qui voient un fantôme pour la première fois de leur vie, et ils sont tous là, les yeux grands de même. Là, ils se disent, hey, ça se peut. Et il y en a d'autres, là, ils ont les yeux grands de même, ils ne bougent pas pendant 2 semaines. Ça dépend du corps physique, de ce qui se passe à l'intérieur, ça dépend de la psychologie. Donc, ça dépend de votre instruction, ça dépend de l'acquis et de la génétique au départ et de l'acquis ensuite, comment vous pouvez contrôler votre corps physique. Ça dépend de ces choses-là, ce qui fait en sorte que l'humain est de plus en plus capable de recevoir le passé. Parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains capables d'être en contact avec eux-mêmes dans le futur, alors ils vont écrire, ils vont préparer l'humain. Bon, Nostradamus le faisait, on a dit que les extraterrestres lui ont donné une lunette qui lui permettait de voir le futur, de voir ce qui se passe. Je m'en fous. Tout ce qui est certain, c'est que c'est capable, avec une longue vue, de voir ce qui se passe, c'est que ça se passe maintenant. C'est clair? Bon. Et ce qui arrive, c'est que ces personnes-là vont faire des films, vont écrire des romans, vont amener des choses. Et la majorité de ceux qui ont écrit de science-fiction ont toujours été très, très, très, très près de la réalité, parce qu'ils allaient, donc, ils étaient simplement en contact avec eux-mêmes, qui vivent maintenant, dans le temps. Et ils colorent en fonction de leurs connaissances, ils doivent ajuster l'information qu'ils recueillent aux connaissances actuelles. Alors que ce soit Adam Smith, qui a posé la question, ça va long, que ce soit Jules Verne, que ce soit un paquet d'autres qui ont écrit, les gens ont à colorer, ajuster l'information, mais finalement on retrouve par la suite des traces de réalité. Que ce soit Homer où on trouve des traces de réalité historique, mm-hmm. ou que ce soit Adam Smith où on retrouve, ou John Smith, qu'on retrouve des traces de réalité historique, mais maintenant braquées vers le futur. Bon, pour venir à la lunette de Nostradamus, il regardait dans le futur, il voyait, mettons, en 1994, un cataclysme qui annonçait, bon, il annonçait des choses qui ne sont pas arrivées, donc il n'a pas regardé le bon futur. Là, où... Non, Nostradamus était très, très risé. Attends, une minute, parce que j'ai 2 questions. OK, mais c'est pas long. Je vais répondre à la troisième. Il a été très, très risé. Il a écrit ça de façon à ce qu'à peu près personne puisse comprendre. Donc, est-ce qu'il a dit 1994? Ben non, ce sont les exégètes qui ont décidé qu'il y avait du secret. C'est vraiment pas clair ce qu'il a écrit. Moi, je ne peux pas voir ce qu'il trouve de si clair quand il traduit ça. Ben, c'est un paquet d'interprétations. Si tu branches un Nostradamus, c'est clair. Si tu branches un continuum du futur, tu peux... Je comprends si c'est celui qui si c'est Nostradamus qui relie ce qu'il a écrit, ça, je comprends ça. Mm-hmm. Mais les autres, ils peuvent vraiment... Mais la grande farce là-dedans, c'est que le temps est toujours en mouvement, le continuum est toujours en mouvement. Alors, on peut dire le futur est toujours en mouvement. Donc, en partant, le futur qui est prévu, c'est une extrapolation par rapport au passé. Mais moi, ce que je sais, c'est que vous vivez présentement tous dans, on va faire ça simple, vous vivez tous présentement dans 1 million, mais 1 million de 1995, différents. Bon, justement, il y en a là-dedans qui sont dommages, il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont modestement plaisants, il y en a qui sont formidables, et l'humain a la capacité, la possibilité de glisser dans le continuum pour changer. Sauf, puis l'humain le fait régulièrement, mais il n'en contrôle pas la mécanique. L'humain, présentement, glisse que dans un seul sens. C'est-à-dire qu'il se dirige au niveau de sa connaissance, ce n'est pas de la réincarnation, il se dirige uniquement vers ce qu'il appelle le futur, et il a des contacts réguliers avec ce qu'il appelle le passé, et avec l'imaginaire. Bon, ça, on en a déjà parlé un petit peu, ça c'est, bon, je ne veux pas trop amplifier, c'est des sujets qu'on revoit souvent en conférence au fameux séminariste. Alors, moi, j'ai des questions. Oui, j'ai une question pour au sujet de la réincarnation. Donc, on est différentes personnes à différentes adresses temporelles? Non, vous êtes une personne, dans différents corps, dans différentes adresses temporelles. Okay. Donc, vous vivez tous présentement dans votre passé et vous vivez tous présentement dans votre futur. Qu'est-ce qui arrive avec, par exemple, Napoléon? Ils peuvent être 100 000 à penser réincarner Napoléon. Oui. Alors qu'il y a une personne qui est Napoléon. Il y a combien de Napoléons? Mais là, c'est à cause des différents passés. Il y a un Napoléon, mais il peut y avoir... Il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, l'être humain qui vit actuellement est... Il est informé tout à l'heure, on parlait de l'astral. Il est informé par l'astral, et là, il y a une nuance entre la croyance d'être Napoléon et d'être celui qui se rappelle même où telle affaire a été cachée. C'est énorme. Ça, donc, pour savoir si, si c'était vraiment une vie antérieure, mais pour savoir si on est vraiment ailleurs en même temps, il faut qu'on se rappelle des affaires très... Comment quelqu'un peut faire la différence? C'est juste un peu se rappeler. Je vais vous expliquer un point intéressant, c'est surtout ça l'idée. Ça fonctionne en plus, c'est vraiment amusant, c'est drôle. Vous devez vous foutre royalement de savoir qui vous êtes actuellement dans le passé ou qui vous avez été. Parce que vouloir savoir quelque chose que vous ne savez pas, c'est vous ouvrir à vous faire charrier. On peut vous tromper. Moi, j'ai l'impression que, j'ai l'intuition que, j'ai la certitude que. La meilleure façon de savoir qui on était, c'est de se faire reconnaître par quelqu'un d'autre. Alors moi, je me promène et puis à un moment donné, je vois monsieur ici, puis je suis certain qu'il a vécu à l'époque que j'ai rencontré. Mais lui, ça fait 2 ans qu'il est sûr qu'il a vécu dans ce temps-là. Et moi, je le reconnais. C'est plus sûr qu'il a été ce personnage-là. Si un autre reconnaît en plus et que moi, je le reconnais l'autre, bien là, on commencera par la prochaine conférence. De quoi on parlait, là? Ma deuxième question tantôt. Mais si je continue, ça va revenir. Oui, moi, je peux te poser ma question? Ok. On parlait tantôt de Nostradamus avec sa lunette. Il regardait dans le futur. Il voyait, bon, admettons qu'il a vu le bon futur. Sauf qu'il était où ce futur-là? C'est-à-dire qu'il y a juste une planète. Okay, alors... Je ne veux pas parler présentement du continuum, je ne veux parler que de la réincarnation. Alors, je continue ce que j'étais en train d'expliquer. La question était déviante. J'avais une autre question déviante. Aussi, oui. Moi, c'est quand tu as parlé de l'imagination. Si j'ai bien compris, le futur, le passé, bon, imagé, là, en avant, en arrière, puis l'imagination serait les multiples. Supposons moi assis ici ou moi en guenille ou en tout cas tout le négatif puis tout le positif dans l'autre sens. Avec les contacts, les informations qui proviennent d'une adresse future ou d'une adresse passée. Mais ça reste de l'imagination. Oui, mais l'imagination, à un moment donné, il faudrait qu'on la redéfinisse. Parce que l'imagination, elle est fragmentée. Il y a de l'intuition qui n'est pas d'imagination. Il y a un contact très réellement lucide avec un continuum qui n'est pas de l'imagination. Il y a de la télépathie qui n'est pas de l'imagination. Il y a une lecture dans l'akasha qui n'est pas de l'imagination. Il y a une lecture dans l'astral totalement mélangée qui est de l'imagination, mais c'est une lecture astrale. Alors, il y a plusieurs points comme ça. Il y a des enfants souvent qui voient des choses extraordinaires, puis les gens vont dire, oh, c'est leur imagination. C'est pas ça l'imagination. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je me retrouve ici et non pas dans la rue là-bas, dans le fond, en train de boire un peu au coin? Tu y es, mais je vais pas remettre en tout. Ouais. Yes, yes. Ah oh oui, tout à l'heure, je t'ai dit 50 cents. Je l'ai plus, en tout cas. Non, mais pas à toi. À toi. Bon. Pour ne pas mélanger, pour l'instant, on va rester linéaire. Ce qui est amusant, expérience que j'ai fait souvent, que vous pouvez faire, pas dangereuse, amusante, qui demande une petite pratique, ne donnerait pas un grand cours, c'est pas très bien compliqué. C'est que vous pouvez partir d'ici, pour mettre ceci à bonne place, là, vous pouvez partir d'ici, l'humain peut faire ça, et il est capable de se rappeler le passé. Se rappeler veut dire voyager, ouvrir un canal, puis prendre des informations de ce qui se passe maintenant, là. Dans une autre adresse temporelle. Que l'humain appelle hier, mais ce n'est pas hier. Alors, vous allez vous rappeler lorsque vous étiez, par exemple, jeune. Hein? Pour ceux qui sont capables. Là, qui se rappellent qu'ils sont jeunes, ils vont se rappeler qu'elle est en couche. Et puis, rendu là, vous allez vous rappeler de quelque chose que vous faisiez. Ce n'est pas correct. Non? Et quand vous vous rappelez de la chose qui n'est pas correcte, vous vous en rappelez suffisamment pour vous voir le faire. Et puis là, ben, vous allez essayer de vous parler, de vous dire de pas le faire. Et vous allez peut-être subitement vous rappeler qu'effectivement, il y avait une petite voix à l'époque qui était en train de vous expliquer qu'il ne fallait pas le faire. Que lui-même appelle la conscience. Et vous allez observer que vous autres, le petit ou la petite maudite, là, vous ne l'écoutez pas, là, moi. Et vous le faites quand même. Puis vous êtes juste en train de créer une rétroaction temporelle, c'est-à-dire que vous êtes ici, en même temps. Vous commencez à fumer, vous voulez cesser de fumer. La première cigarette que vous avez prise, à un moment donné, vous vous couchez, vous vous en rappelez, vous vous en rappelez comme il faut. Après ça, vous allez essayer de lui parler. Au début, vous ne vous ferez pas de déplacement temporel, mais ça va, c'est intéressant. Et puis, vous allez commencer à lui parler. Et puis, ce qui est facile à expérimenter, c'est que si vous faites ça une fois par jour, deux fois par semaine, puis si c'est une fois par mois, c'est pas... ça prend plus de temps. Alors, bien, vous allez vous rendre compte progressivement que c'est de plus en plus facile de cesser de fumer. Puis, à un moment donné, vous allez carrément cesser de fumer. Parce que vous allez peut-être avoir été capable de voir à un moment donné que vous ne le faites pas, vous ne la prenez pas, la maudite cigarette. Là, vous allez aller fouiller, puis vous allez trouver que vous prenez la deuxième, qui peut être la première maintenant. Ça, vous allez commencer le même travail. Est-ce que c'est une programmation présente ou bien dans le temps? Non. Tu es simplement en train de parler par expérience à toi quand tu n'as pas dans ce continuum-ci, on va dire dans cette vie-ci. Tu es en train de dire à l'autre, prends pas de cigarette, c'est mauvais pour la santé. L'autre, il n'en a rien à foutre, ta santé est bonne. Et que tu vas lui expliquer que c'est mauvais pour la santé. Puis il va. Puis la meilleure chose à faire, évidemment, c'est de lui communiquer émotivement la merde que tu lui dis. Parce que ça, c'est de la morale. Pour que, à un moment donné, vous allez vouloir l'apprendre, vous allez subitement avoir l'impression que c'est pas bon. Mais là, c'est le contact qui devient de plus en plus fort et automatiquement, ça va changer ce que vous faites présentement. Puis l'idée là-dedans... Donc, c'est vraiment dans une autre adresse temporelle, disons le passé, ouais. Puis après ça, ça remonte jusqu'à nous, puis c'est là que ça fait la différence et non pas, ça se travaille pas en ce moment. Bien, c'est-à-dire que ça se travaille en ce moment vu que c'est tout en même temps, mais... Ouais, mais tu vas voir que c'est bien différent de travailler en ce moment. C'est sûr que je travaille en ce moment. Mais ce qui arrive surtout, c'est que vous voulez guérir d'une maladie. Un ulcère. L'ulcère, vous l'avez commencé quand? Vous devez essayer de comprendre les mécaniques humaines pour être capable de décoder de quelle façon l'extérieur peut vous atteindre émotivement pour engendrer des situations physiologiques qui vont permettre l'apparition du sang. Vous comprenez la mécanique? C'est par exemple, on va dire là, comme ça là, parce que vous ne communiquez jamais assez. Non. Alors, vous allez retourner pour voir quand est-ce que vous avez commencé à ne pas communiquer. Bon, mais il y a plusieurs personnes qui font ce travail-là, et effectivement, ils vont dans leur vie antérieure. Oui, sauf qu'ils vont simplement parler à ceux qui vivent maintenant, et ils vont instruire exactement comme quand ça parle dans votre tête, c'est vous autres qui venez, qui vous communiquez du ce que vous appelez le futur. Vous parlez, puis dites, fais-le pas, je le sais, c'est pas bon, merde. Mais si moi, là, vous pognez avec ça, là, fait qu'arrête. Puis demain, on s'en fout, mais à un moment donné, il faut s'ouvrir à cette petite conscience qui vient vous parler souvent, c'est vous autres, mais qui avez l'expérience. Alors, tu vas retourner, puis tu vas commencer à t'expliquer, ouvrir, te parler. Puis à un moment donné, tu vois que lentement, l'ulcère va commencer à s'organiser tout seul, à se guérir tout seul. Bon, on va dire que les médicaments, c'est pas un médicament, mais ça s'en va. L'humain a beaucoup plus de possibilités qu'il peut penser dans la gestion positive des mécaniques de sa vie. Sauf que l'humain essaie toujours d'y aller à partir de théories qui sont basées sur des concepts qui sont très, très, très émotifs et qui sont souvent tirés du mensonge cosmique, de l'illusion. Par exemple, la personne qui dit « Moi, avec ma pensée, je vais me concentrer et je vais me guérir », la pensée n'a foutrement aucun pouvoir sur la matière. Elle n'est même pas capable d'aligner mon bras. Et j'ai déjà fait faire l'expérience ici à tout le monde. On va le refaire rapidement, ça vaut la peine. Vous allez tous mettre la main droite sur la table. Tout le monde, on place la main droite sur la table. Alors, c'est banal, là, riez pas trop, soyez sentez, vous poignez eux, vous poignez eux. On place la main droite sur la table. Non, vous avez des problèmes. Alors, on place la main droite sur la table, c'est très simple. On la relaxe complètement. Puis là, on concentre notre pensée, puis on fait en sorte que le bras lève tout seul. Puis on se concentre fort, fort, puis on fait en sorte que le bras lève tout seul. Vous allez voir, votre bras, il ne lèvera pas. Pourtant, votre pensée habite votre corps. Il n'est même pas capable de faire le bras. Vous allez dire, oui, mais si je veux le lever, je le lève. Oui, bouge ses oreilles maintenant. Pas non plus. Il y a une mécanique totalement séparée, différente, qui fait que vous pouvez bouger sans avoir à y penser. Et d'ailleurs, vous êtes même capable de conduire une automobile ou de faire des activités en pensant carrément d'autres choses. Vous n'avez pas besoin de penser pour animer. Alors, l'être humain qui part avec « bon, je vais me guérir l'ulcère avec la pensée », il faut qu'il guérisse l'ulcère avec la même mécanique qui lève le bras. Il va guérir l'ulcère automatiquement. Il ne comprend pas la mécanique, il ne contrôle pas la mécanique. C'est ce que j'appelle, moi, l'interpréteur actionnel. Bon. L'humain peut, par contre, en comprenant la mécanique de sa présence, de la réincarnation, même s'il ne réincarne pas, il a effectivement la possibilité d'aller retourner, d'aller parler à lui, à elle, un peu plus avant dans le temps, ce que l'humain appelle le passé, et l'instruire, lui parler. Mais il y en a qui, pour eux, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se souviennent quand ils ont brûlé dans un feu, ils revivent tout ça émotivement, puis en vivant ça, ils se disent que, après ça, ils auront plus peur du feu. Mais toi, ils auront plus peur du feu, oui, OK. Mais c'est pas ce que toi, tu... Non, moi, je suggère qu'il n'y ait pas d'incendie. Parce que l'humain a besoin de souffrance, l'humain va rejeter ces choses-là, etc. L'humain vit avec l'idée qu'il doit être courageux. Vous n'avez pas besoin d'être courageux. Oui, mais si un chien vous attaque, le chien ne devrait pas vous attaquer. Vous n'avez pas besoin d'être courageux. Vous n'avez pas besoin de contrôler le chien. Vous avez besoin que le chien ne vous attaque pas. Mais l'humain va dire, oui, mais s'il m'attaque quand même, il donnerait un bon coup de pied. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des êtres humains, j'en ai rencontré d'ailleurs, chaque fois qu'ils rencontrent un chien, le chien les attaque. Il y a même des chiens, c'est les chiens tapettes. C'est tout petit. Le chien les attaque. Et il y a d'autres individus qui vont rencontrer des immenses... Est-ce qu'il réincarne du chat, cette personne-là? Ou du docteur Ballard? Du docteur Ballard. L'être humain, il y a des individus qui... vont continuellement vivre dans un monde où ils devront être armés, où ils devront être protégés, où ils devront s'organiser, où ils devront se défendre, où ils devront ceci, ils devront cela. Il y en a d'autres qui vivent dans la même société. Bon, pas le port, ils ne font rien voler. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et on peut, quelqu'un va me dire, oui, mais l'instant, quand un chien t'attaque pour le vrai, les chiens ne m'attaquent pas. Il y en a qui vont dire que tu n'es pas réaliste. C'est-à-dire, si tu t'en vas, tu penses que personne ne va te voler, tu penses que personne ne va t'attaquer. Mais pourtant, c'est vrai, c'est réaliste. C'est ça. Oui, oui, mais pas pour celui qui se fait voler. Parce que quand je vous parle de la vie du continuum, l'humain a la capacité, la possibilité, minimum juste par un travail intérieur, méditer, prier, rétrograder, voyager dans l'astral, bon, tout ce que vous voudrez. Mais l'idée de retourner voir, d'aller dans le passé, donc dans ce qui se passe actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tampon temporel au niveau de cette réincarnation. Si vous corrigez quelque chose ici, ça ne sera pas instantanément apparent ici. Il y a un mécanique tampon, alors le changement qui est opéré ici, vous avez perdu un œil. Parce que vous avez joué au cowboy et aux Indiens avec quelqu'un qui visait mal. Qui jouait pour de vrai. Qui jouait pour de vrai. Et vous avez perdu un œil quand vous avez reçu une flèche dans l'œil. Alors vous retournez avant, puis vous lui dites, va pas jouer, on va vous pince ta mère, va faire mal à ton petit frère. C'est en punition, tu vas pas jouer. Là, vous n'importe quoi que vous savez que vous auriez pu faire. Va voler les biscuits, t'es chargé à terre, quelque chose. Et à un moment donné, vous allez réussir à... etc. Lentement, progressivement, ça va finir par arriver ici. Et ça va opérer, dans ce cas-là, ce que la médecine et la religion appellent un miracle. Ça va opérer un truc bizarre, incompréhensible, que subitement son cancer ou que subitement ce que vous voudrez, la personne, il y en a évidemment qui vont guérir miraculeusement. Ils ne sont pas consciemment en train de faire la mécanique. Ils font la mécanique. Ils revoient leur vie, ils revoient leur jeunesse, ils revoient ceci. Et là, ils disent, la vie m'a appris plein de choses. Est allée changer elle dans votre adresse temporelle, ce qui fait qu'elle change maintenant et ce qui fait qu'elle ressort de là totalement différente. Pas besoin d'être malade pour ça. Il y en a plusieurs, la majorité de ceux qui sont malades meurent. OK. C'est la vitesse à laquelle l'événement nous rattrape, là. Est-ce que c'est pareil si ça vient du futur ou si ça vient du passé, c'est pareil partout? C'est quoi cette vitesse-là? Ah! Oublie ça, ça fait bien long à expliquer des formules, etc. Bon. Ça prend un laps de temps avant que ça vienne. Normalement, ce qui va arriver quand une personne fait un travail convenable, et vous devez savoir que régulièrement, quand vous êtes malade, vous communiquez inconsciemment avec votre passé, puis vous l'informez. C'est ce qui fait que chaque fois que vous faites quelque chose de pas correct, vous le savez. Ça, c'est... Mais ça se fait consciemment. Et c'est d'ailleurs ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu guéris. C'est-tu justement toi? OK, vas-y. OK. Il y a des gens qui guérissent parce qu'ils prennent des médicaments. D'autres, avec les mêmes médicaments, ne guérissent pas. Il y a des gens qui guérissent parce qu'ils se font opérer. D'autres, avec les mêmes opérations, ne guérissent pas. Il y a des gens qui guérissent après un jeûne. D'autres, après un jeûne, sont maigres. Il y a des gens qui guérissent en buvant que du raisin. D'autres guérissent en mangeant que des grains. Certains, après les grains, chantent. D'autres sont guéris. Mais qu'est-ce qui fait la guérison? Si je n'attrape pas la maladie, ben lentement, elle va s'effacer. Et c'est sûr que ça paraît... Mais ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'on peut changer notre passé, finalement. C'est uniquement ce que l'humain devrait faire. L'humain devrait s'appeler actuellement. D'ailleurs, c'est ce que l'humain fait dans le futur. C'est ça, la question. Tout ce qui se fait dans le futur, ou à peu près, c'est de venir parler dans le passé, donc dans l'autre adresse temporelle, pour aller expliquer, fais plus ci, fais plus ça. Donc, la voix que j'ai à l'intérieur, c'est-tu justement c'est moi toi. Ailleurs qui viens c'est dire... C'est toi, c'est juste toi. Tout le temps toi. Mais il peut y avoir un ailleurs qui vient te dire des affaires pas correctes aussi. C'est pas, ben oui, ailleurs. Sauf que quand on parle de la conscience, la bonne conscience, toutes ces perturbations astrales, moi je sais qu'il faut pas que je prenne telle affaire, puis je m'en rends bien compte là, puis disons, ça vient me dire carrément, Daniel, c'est pas bon. Puis après ça, ben là, ça vient me dire, ouais, c'est pas bon, mais c'est pas... Ça, c'est toutes les interprétations astrales, c'est-à-dire que ma nature est faite pour m'anéantir. Mais l'humain sait amplement, l'humain sait avant même de faire les conneries. Il faut juste qu'il soit à l'écoute de son affaire. Moi, j'ai amené du monde avec moi au Pérou, en Amazonie, dans la jungle. Et puis, les gens n'ont jamais été dans la jungle. Et il y en a qui étaient dans la jungle comme s'ils avaient toujours été dans la jungle. Mais il y en a un qui a déjà été un conquistador. Alors, tout ce qu'il avait à faire, c'est qu'il se promenait. Là, il voyait un amancheux bizarre. Puis là, il allait demander à l'autre là-bas, qu'est-ce que c'est ça? Puis l'autre lui disait, touche pas à ça, c'est des guêpes qui sont là-dedans. Puis il revenait, puis il disait, ah, il y a des guêpes! Là, nous, on va dire, ben oui, il les voit. Là, on dit, là, où ça? Mais là, regarde, on en voit une. C'est bien camouflé. Où ça? Où ça? Tout le monde est là. Où ça? Là, là. Où ça? Là. Un bâton. Ouh, là, on l'a vu. Là, c'est parti. Sauf que lui avait maintenant l'expérience de voir la foutue guerre. Il savait quoi regarder. Alors que nous, on cherchait. Bon, une fois qu'on l'a vu, là, on les voyait après. Bon. Alors, tout ce qu'il faisait, lui, on va dire, oui, mais c'est normal parce qu'il réincarne le conquistador. Non, il est en train de communiquer avec le conquistador. Mais comment ça, avec si on s'incarne une fois à différents endroits, comment ça qu'on meurt physiquement? Le corps meurt, mais pas toi. Puis ça, je ne vais pas en parler ce soir parce que ça, c'est pas vrai. Ah, sauvé par la cloche? Presque. Et prochaine conférence, on va voir de quelle façon on peut se retrouver. Vous allez voir que ça peut être vrai. On peut faire des phénomènes bizarres avec ça. C'est intéressant. Suppose.